Parce que j'avais entendu parler d'un collectionneur. Ben, en fait, l'homme en question, qui s'appelle Danny Saint-Jean, qui est notre invité, est antiquaire. Il collectionne de tout, mais entre autres, des objets sportifs. C'est ce qui m'intéressait. Mais quand je suis arrivé là, il y a du stock. T'as rien acheté? J'ai pas assez proche. Il y a tellement de choses intéressantes. Je vais y retourner parce qu'il y a beaucoup de choses anciennes. Puis j'étais hésitant pour acheter. Tu sais, il y a de la vaisselle, il y a des casse-têtes, toutes sortes d'affaires. Mais entre autres, ce qui m'intéressait, c'était les objets sportifs. Parce qu'il vend, il achète des objets sportifs. Notre invité, Danny Saint-Jean. Bonjour, Danny. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu vis ça, ce commerce-là, depuis combien d'années, Danny? Tout près de 20 ans, mais à temps plein, ça fait 8 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à partir une telle entreprise de collectionneur, d'antiquaire? Parce que tantôt, je mentionnais, oui, des objets sportifs, mais il y a un peu de tout. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce métier-là? Ben, j'ai commencé par collectionner la monnaie. J'ai connu quelqu'un qui en faisait le commerce et tranquillement, j'ai commencé à acheter et vendre la monnaie. Et là, je suis rendu qu'il y a une boutique d'antiquité qui vend un peu de tout. Pour les sportifs, les gens comme moi qui vont se rendre à ton commerce, à Sainte-Jeanne-d'Arc, ils vont trouver quoi au niveau sportif comme antiquité, comme souvenir, comme chose du passé? Ben, pour les collectionneurs, c'est plus des objets de collection. C'est pas nécessairement vieux. Ça n'a pas besoin d'être vieux souvent pour être intéressant. Ça peut être un exemple quand on est il y a une ferme, voyons, un drapeau là, qui se monte, là, comme Patrick Roy quand ils ont monté le drapeau là, au Centre Bell. Ben, il y avait des objets donnés sur place. Si t'es pas sur place, tu peux pas l'avoir. Fait que moi, j'ai réussi à avoir des objets de cette veillée-là et un peu de tout là qui peut être ramassé. Autant un apprenti Morton avec Crosby dessus, quand tu l'as pas ramassé la journée qu'il l'avait... la semaine d'après, il n'a plus. Ça prend une boutique comme la mienne pour être capable de l'avoir. Quelle est la pièce qui a le plus de valeur dans ta boutique? Je croirais que c'est la série complète. Je te l'ai pas montré en fin de semaine, là, mais la série complète de journal La Patrie, début des années 50, où ce qu'on a, on voit tous les anciens joueurs des Canadiens là, de l'époque des débuts des années 50. Une valeur à près de 3 000-4 000. Où tu trouves ces pièces de collection? Dans les maisons comme la tienne, mon cher ami. Ah ouais? Ça peut être un collectionneur qui décide de se départir d'un morceau parce que pour mille et une raisons, quelqu'un est rendu trop vieux, quelqu'un a besoin d'argent, quelqu'un, peu importe la raison, quelqu'un a ramassé et peut m'amener se départir. Moi, je l'achète et je la revends à quelqu'un qui est intéressé. Comment on fait pour déterminer le prix d'une pièce de collection, que ce soit une photo, que ce soit des cartes de joueurs d'hockey, que ce soit un vieux bâton d'hockey, un vieux chandail, une casquette? Qu'est-ce qui détermine le prix? Comment on fait pour trouver la valeur? Ben, y a des livres spécialisés sur les valeurs, surtout sur les cartes et objets signés. Il y a des livres. Maintenant, avec Internet, c'est facile de trouver... la valeur marchande ou la valeur là, approximative de ce que peut valoir un objet, peu importe là, sa provenance ou de qui il vient, ou de peu importe le sport qui peut découler. Là. Quand je suis allé samedi chez vous à Sainte-Jeanne-d'Arc, je m'attendais à ce qu'il y ait un client ou deux, puis je suis arrivé là, il y avait plein de monde. D'où viennent tes clients? Ben, vu que je suis un peu loin du monde, d'une manière de parler, en étant à Sainte-Jeanne-d'Arc, près de Dolbeau-Mistassini, plus il y a de monde, plus c'est facile d'arriver sur avec seulement une spécialité. Fait que moi, j'ai pas de spécialité, je suis général. Fait que j'ai autant le meuble antique, l'objet de collection, le bibelot qui fait beau dans la maison. J'ai un peu de tout du domaine de collection, brocante et antiquité, qui fait que là, j'ai beaucoup de clients qui touchent toute cette sphère-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clients, mais... Si on regarde dans chacun des marchés, ben, il y en a un qui venait pour les cartes d'hockey, l'autre venait pour une autre affaire, l'autre venait pour une autre chose, etc. Fait que c'est ça qui fait que je réussis à en vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus demandé? C'est quoi la mode des objets sportifs? C'est les revues anciennes, les casquettes, les t-shirts, les calendriers? C'est quoi qui est le plus à la mode actuellement? Dans l'objet sportif, présentement, j'ai vu que je suis un peu loin de la masse critique, là, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, un peu comme les marchés de Montréal ou Sherbrooke ou Québec, moi, je vends plus de l'objet autre que des cartes de hockey. ça peut être un petit bâton. Comme dernièrement, j'ai vendu un bâton de baseball. Comment ça s'appelait dans le temps de l'équipe de baseball de Québec. Capitale? Avant ça. Avant ça, c'était les Braves. Les Braves de Québec. Oui, OK. Puis tu as vendu un bâton de baseball? Un petit bâton de baseball des années 50. Ça, j'ai vendu ça dernièrement. J'ai vendu aussi la revue Sport des années 50. J'en ai vendu peut-être une trentaine à un autre collectionneur dans le dernier mois. Là. Après ça, tu as feuilleté quelques pages qu'il y avait dans les perspectives dans le temps. C'était des joueurs des années 50 et 60. Ça, je sais que tu en as manipulé quelques-uns. Oui, j'en ai vu ça. J'aimais ça parce que ça me rappelait. J'étais un flou dans le temps. J'étais tout jeune. Puis je me rappelais de ça, la revue Perspective, à tous les samedis. Il y avait des joueurs. Mais dans ce temps-là, il y avait seulement 6 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Exact. Et chaque année, durant l'hiver, ils mettaient entre 15 joueurs renommés de l'année courante. Est-il vrai, Danny, qu'il s'est vendu une carte de Wayne Gretzky 465 000 piastres au congrès des collectionneurs à Atlantic City? Oui, malheureusement, j'étais pas là. Manque de budget un petit peu pour me rendre dans ce genre de convention-là. Oui, elle s'est vendue, puis la raison est quand même facile à expliquer. Toutes les cartes de hockey, tout objet de collection, on le grade de 1 à 10. 1 sur 10 étant la pire carte maganée, usée, écrit dessus, ou tout ce que tu voudras. Et 10 sur 10, c'est une carte qui est parfaite. Fait que des cartes parfaites de Wayne Gretzky, recrue, comme la carte qui s'est vendue, c'est la seule qui est gradée, connue, qui est 10 sur 10. Donc, c'est la raison. Puis l'autre raison, ça prend deux collectionneurs un peu capotés qui n'ont pas besoin d'argent là, pour arriver là, pour faire les épiceries à la fin de l'année, là, à la fin de la semaine. Ils ont misé. La carte valait peut-être 150 000 $, mais ça s'est rendu jusqu'à au-delà de 400 000 américains. Mais c'est fou, hein? Mais c'est la seule carte connue qui est parfaite, qui est gradée 10 sur 10. Et ça prend un gars qui a de l'argent ou un gars qui vraiment capote là-dessus, là? Oui, mais il y a des collectionneurs dans tout. Il y en a qui achètent des chars de 30 millions de dollars. Là. On a vu ça à Dubaï. Il y a un char qui était tout en argent sterling. Il s'est vendu 30 millions. Mais il y a Wayne Gretzky qui est un grand nom dans le monde du hockey, mais il y en a d'autres des grands noms, style Mario Lemieux, Bobby Orr, Maurice Richard, Gordie Howe. Est-ce que ces cartes de joueurs de hockey-là valent des 300, 400, 500 000 piastres aussi? Pas nécessairement, parce que les cartes gradées 10 sur 10 dans d'autres joueurs connus, on en connaît plus qu'une. C'est la particularité de la carte qui a été vendue, c'est qu'il y en a juste une connue qui est gradée 10 sur 10. Toutes les autres sont 9.8, 9.5, 9, 8 sur 10. Ce qui fait que de là, la valeur surévaluée de la carte. Surévalué, certain. Bon, ici au Québec, on se dit. Oui? Surévalué d'un sens, mais il est le seul, le monsieur, qui en a une. Oui, je comprends. 465 000, là. Ce qui fait que si toi, t'es collectionneur, puis t'as que des cartes recrues 10 sur 10 dans ta collection, puis t'as une Wayne Gretzky 9 sur 10, tu veux la 10 sur 10, tu vas peut-être aller y acheter à 500 000. Parce que toi, c'est toi qui en veux maintenant. Des fois, c'est plus une collection, c'est plus une question d'argent, c'est une question de. Un peu comme Pittman. Pittman, c'était une personne qui a collectionné la monnaie canadienne, puis c'était un des seuls qui avait les sous parfaits. Tous les sous au Canada qui ont été frappés, il les avait dans une condition exceptionnelle. Fait que la collection Pittman vaut une valeur aujourd'hui est inestimable. C'est un peu la carte de Gretzky, c'est un peu la même chose parce qu'il y en a une. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, il y en a une. Étant donné que tu es un spécialiste dans le domaine, j'ai le goût de te demander, Danny, chez les joueurs du Canadien, la carte de joueur de hockey qui vaut le plus d'argent, est-ce que c'est Maurice Richard, c'est Patrick Roy? Cette question-là, tu aurais dû me la poser avant que je fasse une recherche. D'après moi, c'est Morenz ou... dans le temps des années 30, on appelait ça des cartes cigarettes. Là, c'était les paquets de cigarettes qui faisaient Imperial Tobacco, qui faisaient des cartes avec des joueurs de hockey. Et je crois que c'est dans cette collection-là qu'il y a qu'il y a la plus grosse valeur pour les Canadiens de Montréal. OK, alors ce serait... quel joueur bien juste. Mais les joueurs vedettes actuels, comme Crosby, Keith Subban, tout ça, est-ce que les cartes ont de la valeur? Non, c'est pas assez vieux? Aujourd'hui, là, dans le temps, il faisait une série de cartes, il en frappait des quantités astronomiques, puis tout le monde les achetait, puis c'est pour ça qu'on les grade aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement qui sont mal taillés, qui sont pas centrés, ils sont même pas d'un fois égal quand on fait recto-verso, là. Mais aujourd'hui, on a des cartes qui font la série régulière, mais ils font aussi des cartes 1 sur 10, 1 sur 50, 1 sur 20. Fait qu'il y a des joueurs un peu comme McDavid là, qui viennent sortir. Il y a probablement, je pense qu'il y a deux séries où il y a une série qui a 10 cartes seulement. Fait que ça, c'est des cartes qui prennent beaucoup de valeur parce que les gens qui font cette série-là, il y a juste 10 personnes dans le nord des Amériques qui peuvent faire la série parce qu'il y en a juste 10 cartes. Donc, il y a rien que 10 personnes qui peuvent faire des séries complètes. On fabrique de la fausse monnaie. Est-ce qu'on peut fabriquer des fausses cartes de joueurs de hockey? Il s'est fait des fausses cartes de hockey. Il s'est fait aussi ce qu'on appelle... Tantôt, on parlait de grade. Il y a des cartes présentant qui sont mal taillées et qui sont un peu décalées. Les gens vont les presser. Ils vont le recouper à la bonne grandeur pour montrer que la carte est devenue super bien taillée et bien centrée. Là, ils vont aller la faire grader, mais quand ils n'ont plus l'épaisseur requise, ben là, ils sont un peu de faux dans tout. Le domaine de collection, autant la monnaie, la carte de hockey, les vases, peu importe ce qu'on collectionne, il y a des faux, malheureusement. On parle d'un sport professionnel, hein, les cartes de joueurs de hockey, des bâtons de hockey, des chandails. Au niveau de sport amateur, on est dans les Jeux olympiques, des médailles olympiques, est-ce que ça peut se collectionner, est-ce que ça peut se transiger, est-ce que ça peut se vendre? Je sais qu'il y en a qui ont vendu le médaille olympique. Les Olympiens, malheureusement, c'est éphémère, c'est des gens qu'on voit une fois aux 4 ans à la télévision. On n'en entend pas vraiment parler. De temps en temps, ils gagnent une médaille d'or, on les voit faire de la publicité, mais c'est pas des millions, des objets qui vont se collectionner de grande valeur, malheureusement. Si je te demandais, Danny, si tu avais le choix pour obtenir un objet sportif rare, qu'est-ce que tu aimerais obtenir ou acheter ou mettre dans ton commerce comme objet sportif rare? Si tu avais le choix, là. Moi, je suis plus maniaque d'objets comme des chandails, bâtons de hockey, mais vraiment d'époque et la signature d'époque. Donc, un hockey de Maurice Richard, signé par Maurice quand il jouait en 1955, c'est un exemple. Pas un bâton de hockey de 1955 que j'ai fait signer par Maurice dans les années 80. La signature n'est pas la même. Okay. Vraiment, les deux reliés ensemble... Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est Maurice Richard qui a signé? Ça prend une photo qui prouve ça? Il y a des compagnies autant au Québec qu'en Ontario pour certifier, pour vous donner un papier qui certifie la signature, la date et tout ce qui va avec là, l'objet. Là. Il va certifier que le hockey, c'est bien tel joueur qui a joué avec et c'est bien la signature d'un tel joueur. Autant pour une balle de baseball, autant... C'est possible, si vous avez un objet à la maison qui a appartenu à quelqu'un dans la... la famille, parce que ou ça l'est fait donner quand il est allé au stade olympique ou qu'il est allé au forum, c'est possible d'aller faire certifier cette... Ça, il suffirait de faire tout simplement sur Internet certification d'objets sportifs. Je crois que c'est à Drummondville qui a j'ai un blanc de mémoire pour la place. En tout cas, c'est proche de Montréal qui font la certification de ce genre d'objet-là. Quelqu'un qui nous écoute, Danny, qui a des objets sportifs, peu importe, gilet de hockey, bâton, vieux bâton de hockey, carte de joueur de hockey, qui voudrait faire des échanges avec toi ou les vendre ou peu importe, est-ce qu'on peut te contacter? Toi, tu es acheteur là, de ces choses-là. Moi, c'est bien sûr que je suis acheteur de ces choses-là. Je vis d'acheter et de vendre des objets, autant de collections que des objets qui ont un certain vécu. Comment? On peut rentrer en contact avec moi autant pour avoir une évaluation, même s'ils sont pas à vendre, ça va me faire plaisir. Donc. As-tu un site internet où on peut voir tes objets? J'ai un site internet, mais j'ai pas beaucoup d'objets sur mon site internet parce que je travaille plus avec Facebook, moi. OK. Alors, quelqu'un qui voudrait te rejoindre, par exemple, quelqu'un nous écoute là, à l'AB. Dis-moi, là, j'arrête des affaires, je serais prêt à transiger avec ce gars-là. Il peut te rejoindre, puis toi, t'es acheteur. Oui, parce que sur Internet, tapez Danny Saint-Jean Antiquaire, vous allez trouver soit mon Facebook, soit des annonces sur Kijiji, soit mon site Internet. Je peux tout donner ça, je peux le dire, là, mais ils sont tous longs. Mon site Internet, là, c'est un grand mot, c'est un grand nom. Okay. Mon Facebook, c'est un grand nom. Mon email, c'est un grand nom. Je peux tout les dire, mais ça va être long. Ça va être trop long. Est-ce qu'il y en a beaucoup des collectionneurs comme toi qui vendent, qui achètent, qui échangent des cartes de joueurs de hockey ou des objets dans la région? Là, tu fais affaire avec beaucoup de gens de la région, mais surtout des gens à l'extérieur? Ben, quand j'ai fait mon étude de marché pour ouvrir mon commerce, c'est à peu près 5% de la population sont collectionneurs actifs. Un collectionneur actif, c'est quelqu'un qui a au moins un objet dans l'année dans sa collection respective. Oui, c'est quand même bon parce qu'un collectionneur, c'est une maladie. Si on n'est pas capable de pas acheter l'item quand on ne l'a pas et qu'il nous passe sous le nez. Si on n'est pas capable, c'est plus fort que... C'est comme toi, tu parles de sport soir et matin, mais moi, je vis que de trouver ce genre d'objet-là. C'est une passion, hein? Ouais, c'est une passion. Danny, Saint-Jean, merci beaucoup. Alors, si on passe par Saint-Jean-d'Arc, c'est sur la route régionale, de toute façon. Très facile à trouver. Oui, faites attention, par contre, au GPS. De temps en temps, il m'emmène dans un rang ou dans une autre adresse. Je suis vraiment sur la route 169. Vous avez pas... Vous faites un tour du lac, vous passez en avant de chez moi. Merci beaucoup, Danny Saint-Jean, de nous avoir donné des renseignements sur ces items historiques. Ça fait plaisir, puis ça me fait plaisir de répondre aux gens aussi qui ont des choses pas nécessairement à vendre, mais qui ont un certain intérêt de savoir si ça a de la valeur ou pas. Je suis ouvert à tout ce genre de produits, de questions-là, et c'est gratuit. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, bonne journée. Au revoir, 5h-5. Ce qui retient l'attention cette semaine, t'avais quelque chose à rajouter? Non, mais j'osais pas y demander parce que j'ai une carte. C'est pas une carte de hockey. C'est une photo à peu près, je te dirais, 6 pouces par 9 pouces de Henri Richard. Il n'y a rien d'écrit derrière. Mais est-ce qu'elle est signée par Henri? Elle est autographiée par Henri Richard. Autographiée à l'époque où il jouait? À l'époque où il jouait. Ça a une valeur. Ça a une valeur, mais j'attends de la retrouver. Parce que je sais que je l'ai dans mes affaires, mais je ne sais pas où dans mes... Est-ce que la carte est en bonne condition? Elle est clean. Est parfaite. Mais comme je te dis, ce n'est pas une carte. C'est une autographie à la main. Puis tu vois, c'est un stylo bleu. Mais ça ne vaut pas les 1000$, là. Mais non, j'en doute. Sûrement une valeur. Surtout si c'est signé. On a quelqu'un au téléphone, je ne sais pas si c'est pour parler. Je voulais vous dire aussi que cette semaine, les kayaks d'eau vive, je vous invite à aller voir ça, c'est sûrement... Ça va sûrement